Comme on avait décidé qu'on partirait à 8h le lendemain, tout le monde se trouva dans la cuisine. Mais la voiture, dont la bâche avait un toit de neige, se dressait solitaire au milieu de la cour, sans chevaux et sans conducteur. On chercha en vain celui-ci dans les écuries, dans les fourrages, dans les remises. Alors tous les hommes se résolurent à battre le pays et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la place, avec l'église au fond et des deux côtés, des maisons basses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premier qui vit réplucher des pommes de terre, le second, plus loin, lavait la boutique du coiffeur, un autre, barbu jusqu'aux yeux, embrassait un mioche qui pleurait et le berçait sur ses genoux pour tâcher de l'apaiser. Et les grosses paysannes, dont les hommes étaient allés à l'armée de la guerre, indiquaient par signe à leurs vainqueurs obéissants le travail qu'il fallait entreprendre. Fendre le bois, tremper la soupe, moudre du café. Un d'eux même lavait le linge de son hôtesse, une aïeule toute impotente. Le comte, étonné, interrogea le bedeau qui sortait du presbytère. Le vieux rat d'église lui répondit « Oh, ceux-là ne sont pas méchants, c'est pas des Prussiens, à ce qu'on dit. Ils sont de plus loin, je ne sais pas bien d'où. Et ils ont tous laissé une femme et un enfant au pays. Ça ne les amuse pas, la guerre. Allez, je suis sûr qu'on pleure bien aussi, là-bas, après les hommes, et ça fournira une fameuse misère chez eux comme chez nous. Ici, encore, on n'est pas trop malheureux pour le moment, parce qu'ils ne font pas de mal, et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dans leur maison. Voyez-vous, monsieur, entre pauvres gens, il faut bien qu'on s'aide. C'est les grands qui font la guerre. » Comme Udé, indigné de l'entente cordiale établie entre les vainqueurs et les vaincus, se retira, préférant s'enfermer dans l'auberge. L'oiseau eut un mot pour rire, il repeuple. Monsieur Carré-Lamadon eut un mot grave, il répare. Mais on ne trouvait pas le cocher. À la fin, on le découvrit dans le café du village, attablé fraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comte l'interpella. « Ne vous avait-on pas donné l'ordre d'atteler pour 8h ?»« Ah bien oui, mais on m'en a donné un autre depuis. »« Lequel ?»« De ne pas atteler du tout. »« Qui vous a donné cet ordre ?»« Ma foi, le commandant prussien. »« Pourquoi ?»« Je n'en sais rien, allez lui demander. »« On me défend d'atteler, moi, je n'attelle pas. »« Voilà. » »« C'est lui-même qui vous a dit cela ?»« Non, monsieur, c'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre de sa part. »« Quand ça ?»« Hier soir. » Quand j'allais me coucher, les trois hommes rentrèrent fort inquiets. On demanda monsieur Follenvie, mais la servante répondit que monsieur, à cause de son asthme, ne se levait jamais avant 10h. Il avait même formellement défendu de le réveiller plus tôt, excepté en cas d'incendie. On voulut voir l'officier, mais cela était impossible, absolument. Bien qu'il logeât dans l'auberge, monsieur Follenvie seul était autorisé à lui parler pour les affaires civiles, alors on attendit. Les femmes remontèrent dans leurs chambres et des futilités les occupèrent. Comudet s'installa sous la haute cheminée de la cuisine où flambait un grand feu. Il fit apporter là une des petites tables du café, une canette, et il tira sa pipe qui jouissait parmi les démocrates d'une considération presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à Comudet. C'était une superbe pipe en écume, admirablement culottée, aussi noire que les dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main et complétant sa physionomie. Et il demeura immobile, les yeux tantôt fixés sur les flammes du foyer, tantôt sur la mousse qui couronnait sa chope. Et chaque fois qu'il avait bu, il passait d'un air satisfait ses longs doigts maigres dans ses longs cheveux gras pendant qu'il humait sa moustache frangée d'écume. L'oiseau, sous prétexte de se dégourdir les jambes, alla placer du vin aux débitants du pays. Le comte et le manufacturier se mirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir de la France. L'un croyait au d'Orléans, l'autre à un sauveur inconnu, un héros qui se révélerait quand tout serait désespéré. Un du Guesclin, une Jeanne d'Arc peut-être, ou un autre Napoléon Ier. Ah, si le prince impérial n'était pas si jeune. Comudet, les écoutant, souriant en homme qui sait le mot des destinées, sa pipe embaumait la cuisine. Comme 10h sonnait, M. Follenvie parut. On l'interrogea bien vite, mais il ne put que répéter deux ou trois fois, sans une variante, ses paroles. « L'officier m'a dit comme ça. »« M. Follenvie, Vous défendez qu'on attelle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Vous entendez ? Ça suffit. Alors on voulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte où M. Carré Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussien fit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné, c'est-à-dire vers 1 heure. Les dames reparurent et l'on mangea quelque peu, malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublée. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ces messieurs. L'oiseau se joignit aux deux premiers. Comme on essayait d'entraîner Commudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands, et il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge où l'officier les reçut. Étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine, et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin « Qu'est-ce que vous foulez ?» Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. » »« Oserais-je vous demander la cause de ce refus ?» Parce que je ne veux pas. Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe, et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. Je ne veux pas. Voilà tout. Vous pouvez descendre. S'étant inclinés, les trois hommes se retirèrent.